ninge kukende pari Bisengo eko tambu izayo bongo Balola miso talaka nasima Kanisa mokolo oyo toka bwanaki Na suzanela Memo yoko sala papi Nako kaki na peti saka sinatani Eza nipona yote Nakanga se motema na longo la basusi Na maison blanche Sala papi nakoka kina peki saka sinatali ezali pona yote nakanga se motema na longola basusi na maison blanche Suzanela maison blanche maison blanche Suzanela. Well.